Après Waterloo, en 1815, Napoléon fut exilé dans l'Atlantique Sud, à l'île de Sainte-Hélène, sous la domination des Anglais, dirigée alors par le général Hudson Love. Il croula. Dieu changea la chaîne de l'Europe. Il est, au fond des mers que la brume enveloppe, un roc hideux, débris des antiques volcans. Le destin prit des clous, un marteau, des carcans, saisit, pâle et vivant, ce voleur du tonnerre, et, joyeux, s'en alla sur le pic centenaire le clouer, excitant par son rire moqueur le vautour Angleterre à lui ronger le cœur. Évanouissement d'une splendeur immense, du soleil qui se lève à la nuit qui commence, toujours l'isolement, l'abandon, la prison, un soldat rouge au seuil, la mer à l'horizon, des rochers nus, des bois affreux, l'ennui, l'espace, des voiles s'enfuyant comme l'espoir qui passe, toujours le bruit des flots, toujours le bruit des vents. Adieu, tente de pourpre au panache mouvant, adieu le cheval blanc que César éperonne, plus de tambour battant au champ, plus de couronne, plus de rois prosternés dans l'ombre avec terreur, plus de manteaux traînant sur eux, plus d'empereurs. Napoléon était retombé Bonaparte. Comme un Romain blessé par la flèche du Parthe, saignant, morne, il songeait à Moscou qui brûla. Un caporal anglais lui disait: halte là! Son fils aux mains des rois, sa femme aux bras d'un autre. Plus vil que le pourceau qui dans l'égout se vautre, son sénat, qu'il avait adoré, l'insultait. Au bord des mers, à l'heure où la bise se tait, sur les escarpements croulants en noir décombre, il marchait, seul, rêveur, captif des vagues sombres. Sur les monts, sur les flots, sur les cieux, triste et fier, l'œil encore ébloui des batailles d'hier, il laissait sa pensée errer à l'aventure. Grandeur, gloire, ô néant, calme de la nature. Les aigles qui passaient ne le connaissaient pas. Les rois, ses guichetiers, avaient pris un combat et l'avaient enfermé dans un cercle inflexible. Il expirait. La mort de plus en plus visible se levait dans sa nuit et croissait à ses yeux comme le froid matin d'un jour mystérieux. Son âme palpitait, déjà presque échappée. Un jour enfin, il mit sur son lit son épée et se coucha près d'elle et dit: c'est aujourd'hui. On jeta le manteau de Marengo sur lui. Ses batailles du Nil, du Danube, du Tibre se penchaient sur son front. Il dit: me voici libre. Je suis vainqueur. Je vois mes aigles accourir. Et, comme il retournait sa tête pour mourir, il aperçut, un pied dans la maison déserte, Hudson Love, guettant par la porte entr'ouverte. Alors, j'ai embroyé sous le talon des rois, il cria: la mesure est comble cette fois, Seigneur. C'est maintenant fini. Dieu que j'implore, vous m'avez châtié. La voix dit: pas encore.